qui nous mène à la chronique TI de Raymond Poirier, qui est chargé de communication à Litis. Bonjour Raymond. Bonjour Tania. Et on fait la suite logique de ce qu'on avait parlé la semaine dernière, puisque tu nous avais annoncé qu'on allait y revenir cette semaine. Exactement, on était un peu sur le Forum des idées pour le Québec, qui est organisé par le Parti libéral. Bon, l'idée, pour résumer, est d'essayer de voir la possibilité d'explorer les éventualités autour de la question d'une stratégie numérique pour le Québec. Et au fil des présentations, bon, la semaine dernière, on a fait un peu le survol général, disponible en podcast d'ailleurs via itis.laval.ca. Mais on n'a pas besoin de tout ça pour suivre la chronique d'aujourd'hui. C'est pas comme tout. Un tome 2. Là. Non, exactement. C'est bon. On fait le saut, en fait, c'est que dans une des présentations, c'était assez intéressant et ça présentait un peu une espèce de patron, en anglais, un blueprint, pour développer un lieu numérique, un univers numérique, pour développer une ville numérique, si on peut dire. Donc, dans l'optique où on prenait l'exemple de la ville de New York, qui, au fil des dernières années, a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts pour se positionner, justement, en ce qui a trait à l'économie numérique, à l'économie liée aux technologies de l'information et des communications. Et c'était l'initiative de l'ancien maire de New York, Michael Bloomberg, une initiative qui s'appelait NYC Media 2020. Donc, une plateforme en route vers 2020. Et pour monter, chapeauter, organiser cette plateforme-là, il avait été assisté par un cabinet de relations publiques de Toronto. Et il y a une des personnes, justement, qui a collaboré avec Bloomberg, Mike Martin G. Kahn, qui est venu présenter un peu, justement, cette stratégie. Qui est venu d'un constat très simple. C'est l'idée que avec la crise financière qu'il y avait eu, on s'en rappelle, 2007-2008, mm-hmm. Il y a eu beaucoup d'emplois qui ont été perdus à New York. Donc, on imagine, évidemment, on parle quand même du siège de la finance, une crise financière, c'est normal que ça ait des impacts. Ouais. Et parallèlement, il y a tout aussi la crise des médias qui persiste. Et évidemment, c'est l'autre gros pan de l'économie new-yorkaise, c'était la notion de médias. Donc, la plupart des grandes chaînes ont une antenne sur place. Et parallèlement, il y avait cette nouvelle économie qui est en train de se développer en parallèle, tout particulièrement du côté de San Francisco, Silicon Valley, donc l'économie numérique, l'économie des technologies. Et à un moment donné, ils se sont posé la question à savoir, ben, qu'est-ce qui fait que cette économie-là n'est pas aussi présente à New York et de quelle manière on peut essayer de l'amener ici, sachant que cette économie-là est ce qu'on appelle les start-up, donc les entreprises en démarrage, mais c'est un peu la voie de l'innovation de demain et la voie de l'économie de demain aussi. Si on regarde le survol des grandes entreprises, des grands des financiers d'il y a 10-15 ans, ben on verra pas les Facebook, on verra pas les Google, on verra pas les Twitter. Non, c'était pas là. C'était pas là, ça existait pas. Donc, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle une économie de start-up, donc des petites entreprises qui se lancent, deux types dans leur chambre, dans résidence, dans un garage, dans un sous-sol, qui développent quelque chose, qu'ils proposent et éventuellement qui développe cette entreprise-là et ça devient un joueur important, mais ça partait d'à peu près rien. Si ils nous ont présenté des photos des gens de Google il y a 10-15 ans, ils disaient, ben regardez, si ces deux personnes-là cognaient à votre porte, est-ce que vous les recevriez, s'adressant à une salle de politiciens et de dirigeants d'entreprise? Et donc, il dit maintenant, la question, c'est pas si vous les recevriez, c'est si eux vous recevraient. Ah ouais, c'est ça, les rôles ont été inversés. Complètement. Et il dit, dans le fond, c'est ça la clé de l'économie et c'est, si on peut dire, une espèce de démocratisation de l'innovation, donc comme phénomène, si on cherchait un peu à le qualifier. Donc, l'idée que l'innovation est accessible à tous, l'espèce du mythe de la bonne idée qu'on est capable de mettre en branle et qu'on est capable de développer. Et évidemment, si il y a 100 bonnes idées qui se lancent et qui se développent simultanément, mais sur les 100, il y a peut-être des bonnes chances qu'il y en ait une ou deux qui prennent un peu plus et qui se développent un peu plus avant. Mais pour développer une idée, par exemple, ça prend de l'argent. Pour développer une idée, ça prend de l'argent. Et pour développer une idée, ça prend aussi un contexte. Dans la mesure où les gens qui ont des idées viennent dans des lieux qui sont inspirants pour eux et dans lesquels ils ont envie aussi de développer cette idée-là. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont vers, par exemple, Silicon Valley parce qu'ils ont envie de se lancer en informatique, ils ont envie de se lancer en nouvelles technologies. Et donc, eux se sont posés la question, qu'est-ce qui fait que les gens viennent pas à New York pour faire ça? Il faut dire aussi qu'il avait fait un sondage un peu avant, il avait posé la question à des Québécois, des gens de Québec, de Montréal, et la plupart disaient, ben on veut aller à New York, on veut aller à San Francisco ou on veut aller à Boston pour mettre en place nos bonnes idées. Mais on veut que les gens disent, ben je veux rester à Québec, par exemple, pour faire mes idées. Exactement. Et qu'est-ce que ça prend? En fait, il a lancé trois règles un peu là-dessus. La première, c'est ce qu'il appelait la règle de trois. En fait, c'est des règles très simples en lien avec des chiffres et des points de forme. Donc, l'idée, c'est d'avoir du talent en place, avec des idées, d'avoir un lieu où ce talent-là a envie de vivre. Donc, pas au niveau nécessairement de taxation et le reste, mais plus au niveau de vie culturelle, au niveau de la nature, au niveau du look, de l'ambiance de la ville. Donc, qu'est-ce que c'est une place où tu dirais, ben oui, j'ai envie de m'installer, j'ai envie de prendre un café, de vivre la vie. C'est important, ça. C'est important. Et dans ce contexte-là, on a du talent, on a un endroit où on a envie de vivre, il faut aussi qu'il y ait des partenaires potentiels. Donc ça c'est la base. Là. Si on a ces trois éléments-là, on est bien parti. C'est la base, mais c'est quand même des éléments cruciaux qu'on retrouve pas partout. Exactement. Ben, la notion de partenaire potentiel, c'est plus vite dit que fait. La notion de talent, encore là, c'est plus vite dit que fait. Puis ça nous amène en fait à l'autre règle, en fait, en 5 points de forme cette fois-ci. Donc l'endroit pour vivre. Donc l'idée, c'est quand on développe un peu des éléments de promotion, par exemple, en lien avec la ville. Donc, quelle est notre force? À New York, eux ont pris la stratégie de dire, ben, on a de tout pour tout le monde. C'est New York. Là, ça reste le centre mondial. Mondial, oui, oui. Lui disait, ben, si on avait Québec, Montréal à vendre, peut-être qu'il y aurait l'idée de l'Europe en Amérique. Donc, les avantages de l'Amérique avec la saveur européenne. Donc, il y a quand même quelque chose là qu'on peut proposer. Évidemment, dans cet univers-là, dans cette ville-là, dans cette région-là, il faut qu'il y ait une culture entrepreneuriale. Donc, est-ce qu'il y a des exemples de réussite qu'on peut proposer et qui vont inspirer des gens à dire, ben, si lui a réussi, il y a un parcours qui est peut-être similaire au mien, peut-être que si lui s'est essayé et a réussi, ben, moi, je peux prendre aussi ce risque-là. Parce que si on n'a pas d'exemple de gens qui ont risqué, qui ont réussi, ben, peut-être que nous, on a un peu moins le réflexe de dire, ben oui, je vais prendre cette chance-là, je vais faire le saut aussi. Mais Raymond, je ne sais pas si l'exemple est bon, mais est-ce qu'on peut prendre l'industrie du jeu vidéo qui est venue s'installer à Québec? On avait le talent sur place, on avait les ressources, on avait le centre-ville de Québec qui est une place intéressante avec un parc juste à côté, le parc Saint-Roch, mais on a quand même les infrastructures d'un centre-ville et on avait, par exemple, les crédits d'impôt ou la ville qui incitait donc des partenaires. Est-ce que ça peut être un bon exemple pour décrire la situation dont tu nous parles? Ça peut être un bon exemple, mais il s'agit quand même de grosses entreprises. Oui, c'est ça, mais juste pour montrer, mettons, que le contexte était bien. Mais le contexte est là. Évidemment, après ça, à l'intérieur de ça, tu vas chercher aussi des exemples de réussite. Par exemple, Frima, ben, une entreprise entièrement locale. Qui était petite, oui. Qui était petite, qui a grandi, donc qui a pris beaucoup de place. Mais ça peut être un exemple de quelqu'un qui a pris une chance, qui a développé son entreprise, donc qui peut servir de modèle. Mais évidemment, on parle de start-up, donc de petites entreprises, non pas d'Ubisoft. Là, exactement. Mais évidemment, on peut penser aussi à Guy Laliberté. Bon, le Cirque du Soleil, c'est parti à Baie-Saint-Paul, c'est parti d'une idée, c'est devenu quelque chose de planétaire. C'est des exemples comme ça qu'il faut cultiver pour montrer, en fait, c'est ce que disait Martin G. Kahn, pour montrer à la population que c'est possible. Et évidemment, c'est pas tout le monde qui va réussir à le faire, mais c'est possible. Et dans ce contexte-là, évidemment, l'idée, c'est de démarrer un cercle vertueux. Donc, pas nécessairement avec des crédits d'impôt et le reste, mais avec un contexte où on a donc un lieu où on a donc une culture entrepreneuriale, des gens qui ont envie de se lancer, des gens qui ont les moyens aussi de développer les outils, donc une culture d'ingénierie, d'ingénieur, donc d'avoir des informaticiens, d'avoir des gens qui sont capables de coder, qui sont capables de donner vie à ces idées-là. Et s'il n'y en a pas, ben, il y a un problème. Du côté de New York, ils ont carrément décidé de faire une école d'ingénieurs, de prendre un espace qui appartenait à la ville et de dire, ben, on construit une école, ça donne un message qui est fort, qui est clair. Au Québec, il y a quand même des écoles d'ingénieurs. Il y en a des très bonnes qu'on pense du côté de la Polytechnique de Montréal. À l'université, il y a des cursus qui sont très corrects aussi à l'Université ouais. Laval. Donc, il y a déjà des choses comme ça qui sont présentes. Évidemment, à ça, faut avoir aussi des partenaires et ce qu'on appelle en consommation des early adapters. Donc, des gens qui vont être intéressés rapidement à essayer les nouvelles tendances, à essayer les nouvelles technologies pour créer ensuite un effet d'entraînement. Des partenaires, on parle par exemple de favoriser les liens entre les startups et les entreprises établies, les entreprises qui marchent. Il dit le problème dans certaines villes, dans certaines régions, c'est ce qu'il a qualifié en anglais du Velvet Road Syndrome. Donc, quand tu veux rentrer dans un bar, il y a une corde qui t'empêche de rentrer. Le cordon de velours rouge. Et de temps en temps, il y a des gens qui peuvent passer de l'autre côté du cordon, qui sont des VIP. Il dit, à Palo Alto, par exemple, ça n'existe pas. Tu peux être dans la même file pour prendre un café que le CEO de l'entreprise d'à côté, qui, lui, à brûle pour point, va te demander quitter, puis si tu as une idée, puis va peut-être t'offrir une demi-heure de son temps pour y faire un pitch comme ça, parce que il y a le temps. Parce qu'il y a du temps de réserver dans sa journée pour les rencontres impromptues qui peuvent générer ensuite des entreprises assez intéressantes, des projets assez intéressants. Donc, évidemment, le défi, c'est de créer ce contexte-là, de valoriser ce contexte-là, d'aller chercher aussi ce qu'on appelle le smart money, donc des gens, des investisseurs qui sont des gens d'affaires, qui vont flairer la bonne affaire, qui vont encourager les bonnes entreprises. Mais à ça, en terminant, il y a l'élément, ce qu'on appelle la règle de 4. Donc, dans le fond, pour que ça puisse marcher, il faut avoir une plateforme de mise en commun pour investir les efforts. Il faut avoir un groupe d'entrepreneurs qui ont envie d'accompagner la région dans ces efforts-là, et pas des petits entrepreneurs, mais les plus grands, les plus forts, les plus importants. Les riches. Et il faut avoir aussi une personne qui va servir de... J'irais de boyau d'allumage, peut-être un peu. Donc, il va être au cœur de ce groupe-là. Donc, lui disait, un premier ministre, dans le cas de New York, c'est le maire Bloomberg, qui avait appelé lui personnellement 70 grands CEO de New York. Il les avait conviés à des réunions. Il leur avait dit, vous pouvez pas vous faire remplacer. Faut que ça soit les CEO, les gens qui vont pouvoir faire la différence immédiatement et pas aller rediscuter les choses localement. Et de ça, ils ont créé ce groupe-là. Ils se sont donné une ambition claire qui était d'augmenter la position de New York dans la sphère des technologies de l'information. Avec un agenda précis, ils se sont lancés là-dedans et ils ont accompli leur objectif. Mais il fallait avoir toutes ces conditions gagnantes-là, les unes avec les autres, avec le contexte de gestion de projet gagnant aussi. Mais celle qu'on n'avait pas, on est allé les chercher. Cet exemple-là est vraiment incroyable. Mm-hmm. De quelque chose qui marche. Oui, bien en fait, là, on veut ça, dans les comment premiers. On le fait, puis on l'a. Exactement. Puis en fait, c'est sûr que c'est des efforts majeurs, des efforts extrêmement importants de réunir ces gens-là, d'organiser la région. Mais il dit, ce qui menait beaucoup l'organisation de cet espace-là, c'est que les gens à New York avaient une fierté d'être New-Yorkais, une fierté d'être des entreprises new-yorkaises, et avaient envie de voir leur ville florissante. Et lui dit, au Québec, je peux pas croire que les entrepreneurs et que les gens au Québec, ils n'ont pas envie de voir leur pays comme étant, ou leur province comme étant florissante. Et donc, Martin Jacon disait, il y a déjà cette condition-là gagnante. Il y a une fierté de mettre de l'avance l'identité locale, l'identité provinciale, la proposer au monde et de développer des choses ici. Donc, il y a déjà quand même, je pense qu'on le voit et on le percevait, nous, sur place à Montréal, il y a 2 semaines. On percevait justement qu'il y avait quand même pas mal d'éléments du puzzle qui étaient là, mais qu'il restait peut-être la volonté de les rassembler et de les proposer véritablement. Ça y est, j'ai envie de me partir une entreprise quelconque. Il me manque juste une idée et le contexte dont on a parlé dans cette chronique et qu'on pourra réentendre sur le site avec différentes informations, évidemment les conférences, la veille et tout. Oui, etis.ulaval.ca. Raymond Poirier, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. On te retrouve la semaine prochaine avec un autre sujet puisqu'on a clos celui de la table. Comment ça s'appelait déjà? Forum des idées pour le Québec. Voilà. La semaine prochaine, on parle de création artistique et de technologie. Alors, ce sera un rendez-vous. Merci beaucoup, Raymond.